dresses la lampe devant l'autel. Chaque branche éclairée avec soin. Tu montres que ta lumière ne vacille pas, même dans nos chemins incertains. Tu purifies ceux qui servent, tu les laves avant de les envoyer, car porter ta lumière dans la maison commence par être soi-même éclairé. Avant d'éclairer les autres, tu nous invites à passer dans ta clarté. Allume ta lumière en nous, fais briller ce qui dort encore. Que nos vies deviennent des flambeaux dans la nuit de ce monde dehors. Ta lumière en nous, nettoie ce qui ne te ressemble pas, et que ta gloire à travers nos pas parle plus fort que nos voix. Les Lévites sont offerts à ton service comme un don. Ils n'appartiennent plus à eux-mêmes, ils s'en tiennent désormais, leurs jours sont à toi. Et nous aussi, tu nous rappelles que ta lumière n'est jamais privée. Elle appelle à sortir de soi pour éclairer sans se cacher. Allume ta lumière en nous, fais briller ce qui dort encore. Que nos vies deviennent des flambeaux dans la nuit de ce monde dehors. Allume ta lumière en nous, nettoie ce qui ne te ressemble pas, et que ta gloire à travers nos pas parle plus fort que nos voix. Fidèle de ta clarté dans l'obscurité.